après des journées de préparation, des heures et des heures de répétition, ils sont enfin prêts pour partager ce moment avec vous. Bon appétit à tous et excellente soirée. Excellente soirée. Excellente soirée. Attention au départ. Pour que cet événement soit des plus réussis, la meilleure musique. Un live show magistral. Et bien sûr, une formidable équipe d'animation. Rendement optimal. Contrôle bande passante. Système calé sur 20 000 Hz. Mise en phase du système son. Mesure sur impulsion approuvée. Polarisation capsule micro. Directivité cardioïde programmée. Routing sans défect. Algorithme incrémenté. Test light show. Commande DMX enclenchée. Checklist terminée. Tour de contrôle à navette espace de nuit. Checklist terminée. Vous avez été choisi pour votre courage, votre soif d'aventure. Vous avez été retenu pour votre condition physique exceptionnelle et vos facultés d'adaptation hors du commun. Mesdames et messieurs, vous êtes l'élite de notre espèce. Ne nous décevez pas. L'aventure extraordinaire commence. Bonne chance. Ça y est, tout est prêt. Mesdames et messieurs, c'est le moment d'accueillir celui qui va rythmer votre soirée. Toujours prêt à vous faire danser. Toujours prêt à vous faire chanter. Toujours prêt pour faire la fête. Il est, ce soir, derrière les platines, DJ... Branche-toi sur ta radio, DJ Silver. Prends le contrôle des platines avec le meilleur du son house et électro, DJ Silver. Son house électro sur ta radio by DJ Silver. Ça va faire mal. Mal.

just bounce to this. Essa safada. Pro baile e fico toda tarada. Ela empinou a bunda querendo uma pirocada. O Titi que tá tocando, ela tá toda tarada. Ela empinou a bunda querendo uma pirocada. Oi, toma, toma, toma, toma, toma, toma, só safado. Oi, toma, toma, toma, toma, toma, toma, só safado. Oi, toma, toma, toma, toma, toma, toma, só safado. Oi, toma, toma, toma, toma, toma, toma, só safado. Oi, toma, toma. Toma, toma, toma, toma, tá safado. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, tá safado. Toma, toma, tá safada. Branche-toi sur ta radio, DJ Silver. Prends le contrôle des platines avec le meilleur du son house et électro. DJ Silver. Toma, toma, ça, ça, ça, ça, ça. Toma, toma, toma, só safado. Toma, toma, toma, toma, só safado. Toma, toma, toma, toma, só safado. Toma, toma, toma. is true. Everything is permitted. C'est électro sur ta radio by DJ Silver. Ça va faire mal. We'll be right back.

see in the building. Everybody come on, man, you know, say we're willing. Kill it, anywhere we go, so you know, say we're willing. Come in at the dance and the girls get drilling. People are come and the people get feeling. Why you feel the girl want piece of something? Why you feel she just a ride up on me something? Anyway, me come on, you know, say she love me.